Yo voy a leer el manifiesto en francés. Qui sommes-nous? Nous sommes des personnes venues librement, qu'après la manifestation ont décidé de continuer avec les revendications de conscience politique et de dignité. On ne représente aucun parti politique et aucune association. Nous sommes unis pour le changement. On est ici en solidarité avec ceux qui ne peuvent pas être ici. Pourquoi on est ici? On est ici parce que nous voulons une nouvelle société qui défend la vie au-dessus des intérêts économiques et des politiciens. On demande le changement dans la société et dans les consciences de cette société. On veut démontrer qu'on n'est pas endormi et qu'on peut lutter pour nos droits pacifiquement. On se solidarise avec les arrêtés après la manifestation du dimanche et on demande sa liberté immédiate. On le veut tout et on le veut maintenant. Donc si t'es d'accord, rejoins-nous.